toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne triomphent pas de ma vie. Que nul de ceux qui espèrent en toi ne soit confondu dans la détresse, mais que soient confondus ceux qui trahissent sans motif dans leur rudesse. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi à ne pas dévier. Tu es le Dieu de mon salut, pour toi j'attends chaque jour. Souviens-toi de ta compassion ancienne, de ta bonté qui dure toujours. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne sa route au cœur en pleurs. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, non selon la noirceur de mes péchés. Pardonne mes fautes innombrables, car ton nom est saint, ton amour est vrai. Les chemins de l'Éternel sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance. Délivre-moi de tout, protège mon âme dans ta bienveillance.